بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, nous sommes toujours donc dans Kitab al-Tawhid et dans Bab al-Khawf min al-Shirk, quatrième chapitre du livre al-Khawf min al-Shirk, la peur ou l'obligation d'avoir peur du shirk. Et on était en train de discuter du hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par entre autres l'imam Ahmed, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Akhwafu, s'adresse aux sahaba radiallahu anhum, Akhwafu ma akhafu alaykum ma shirk al-asghar. Donc, ce Rossalim l'a dit, ce dont j'ai le plus peur pour vous, c'est le petit shirk, le shirk al-asghar. Fasu ila an faqal ar-riya. Il a été questionné au sujet du shirk asghar et il a dit que c'est l'ostentation. On a dit que de ce hadith-là, on tire que le shirk, il est de deux sortes. Il est asghar, petit shirk, comme c'est notifié clairement, dit clairement dans ce hadith-là, ce qu'on appelle nas. Et ça nous indique aussi que quelque part, il y a un shirk qui est akbar. Si on a asghar, ça nous indique comme on a dit, dilalat l'iltizam, ça implique qu'il y a un shirk akbar. Donc le shirk, il se classifie en deux grandes sortes qui sont le shirk al-akbar et le shirk asghar. Donc on a vu la différence entre les deux sortes de shirk, la différence dans leur définition et la différence dans le statut de celui qui commet l'akbar ou celui qui commet l'asghar. On a dit aussi quelque chose d'important, c'est que ça nous montre que la base dans les textes du Coran et de la Sunna, c'est lorsque le shirk ou le kufr est évoqué, ce qui est voulu c'est l'akbar. Ça c'est la compréhension des compagnons. C'est pour ça que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a cité ce shirk asghar, ils ont dit: oh envoyé d'Allah, c'est quoi ça? C'est quoi ce shirk? Puisque eux, pour eux, le shirk, c'est l'akbar. Donc on comprend de là que dans nos sources, dans les textes du Coran et de la Sunna, de la révélation, quand le shirk ou le kufr vient, ce qui est voulu, la base, c'est la compréhension qu'on doit avoir, la compréhension de base qu'on doit avoir, c'est que c'est l'akbar qui est voulu, le grand shirk ou le grand kufr. On ne peut comprendre qu'il s'agit du petit, donc de l'asghar, que s'il y a une indication. Soit une indication claire, comme c'est le cas dans ce hadith-là, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, clairement dit shirk asghar, ou s'il y a une autre indication qui est par exemple dans un autre texte qui va nous montrer que ce qui est voulu dans ce texte là c'est pas l'akbar mais c'est l'asghar. Et on était donc arrivé à au moment où le shirk, le muhashi Abdurrahman ibn Qasim, il parle du statut du shirk asghar. Et le shirk, il a choisi l'avis, donc c'est l'avis d'une partie des ulama, que le shirk et l'asghar, il ne rentre pas تحت المشيئة. Il n'est pas comme les autres petits péchés. À l'unanimité, celui qui commet le shirk et l'asghar et qui ne s'en repent pas, mais qui meurt sans avoir commis ou en s'étant repenti du shirk et l'akbar, celui-là, sa demeure, elle est au paradis. Ça, il n'y a pas de khilaf concernant ça. Le khilaf, c'est est-ce que le shirk al-asghar, il a le même statut que les autres grands péchés qui ne sont pas du shirk al-akbar, c'est-à-dire qu'ils rentrent sous la volonté d'Allah, ou qu'ils sont sous la volonté d'Allah Jalla wa Ala, dans le sens où Allah, il peut pardonner ou il peut châtier. Donc lui, il a choisi l'avis des ulémas qui disent que le shirk al-asghar, il ne rentre pas dans la partie des péchés qui sont pardonnés. Et il se base là-dessus sur la compréhension de certains versets, compréhension directement tirée des règles de la langue arabe. Où Allah Azza wa Jalla, quand il dit dans le premier verset du chapitre, il dit « Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi ». Et donc on a dit ici que « an yushraka » في تأويل مصدر c'est-à-dire on peut remplacer an et yushraka le fi'al mudari' par le masdar. Donc le sens est inna Allah la yaghfiru ishrakan bihi. Ishrakan nakira, c'est un mot indéfini dans un contexte de négation la. Donc on dit nakiratun fi siyaq an-nafi yufidu al-umum. Donc ça englobe toutes sortes de shirk, qu'ils soient grands, petits, qu'il soit commis en grande quantité ou en petite quantité, beaucoup ou peu. Et on a dit que les autres ulama, ils répondent comment? Ils répondent que, comme on l'a dit avant, et comme nous l'indique le verset, ce hadith-là, donc la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Nakhwafu ma khafu alaykum shirk al-asghar fasu ila han faqal ar-riya » Il nous indique quoi ce hadith? Que la compréhension qu'on doit avoir des textes du Coran et de la Sunna, c'est que lorsque le shirk et le kufr sont évoqués, la base c'est que c'est l'akbar. On avait dit ça, les ulama ils appellent ça adatul Coran. Et donc dans ce verset-là, le taqdir ce serait plutôt Inna Allaha la yaghfiru l'ishraka. El-ishraka. Bi-alif wa-lam. Donc Allah Jalla wa Ala, il ne pardonne pas le shirk et en l'occurrence le shirk akbar. Ça, c'est comme ça qu'ont compris les autres ulama. En évoquant d'ailleurs que si on utilise la règle de langue arabe que certains savants ont utilisée dans ce verset-là, on se retrouve face à un problème concernant certains versets. Comme on l'avait cité, le verset où Allah est dit. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل اعبدوا ربي اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. Donc celui qui commet le shirk, donc là si on rentre avec cette règle de langue arabe là, on rentre le petit shirk aussi dans ce sens-là, ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala il interdit au paradis celui qui commet le petit shirk et qui meurt sans s'en repentir. Or ça c'est batil bilijma. Ça, c'est faux. Bilijma, il n'y a personne qui dit que celui qui meurt sur le shirk asghar, il demeure éternellement au feu. Donc, on voit qu'il y a un problème avec cette compréhension-là et avec l'utilisation de cette règle-là, qui est une règle juste dans la langue arabe. Mais encore une fois, quand il s'agit de la charia, de la législation, il y a certains mots qui ont des sens spécifiques. Soit ce qu'on appelle le haqiqat al-shar'iyya, soit le fait qu'un mot, certains mots dans la charia ont un sens bien précis, un sens qui leur est propre dans la législation et qui diffère de leur sens dans la langue arabe. Soit ici, comme c'est le cas, c'est ce qu'on appelait l'habitude coranique, adat al-Qur'an, quand le shirk ou le kufr sont évoqués comme ça, mutlaqan, ce qui est voulu, c'est le grand. La grande association ou la grande mécréance. Et c'est comme ça que les compagnons, ils ont compris les textes. Donc, on était arrivé là, et c'est pour ça qu'il dit après, concernant le shirk asghar, il dit وَيَدْخُلْ تَحْتَ الْمُوَازَنَةِ إِنْ حَصَلَ مَعَهُ حَسَنَاتٌ رَاجِحَةٌ عَلَى ذُنُوبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةِ وَإِلَّا دَخَلَ النَّارِ. Et donc, il dit que le shirk asghar, il est mis dans la balance. S'il y a assez de bonnes actions pour contrebalancer, c'est-à-dire faire alourdir le plateau des bonnes actions, la personne, elle rentre au paradis. Par contre, si le plateau des mauvaises actions alourdi par le shirk al-asghar est plus lourd, alors il rentre au feu. Ça, on voit bien dans cet avis-là qu'il considère que le shirk al-asghar, il ne rentre pas tahta al-mashia. Il dit pas, il rentre au feu si Allah il veut ou si Allah subhanahu wa ta'ala il veut, il peut lui pardonner ce petit shirk. Mais sur cet avis-là, non. Sur cet avis-là, le petit shirk, il est mis dans la balance. Et s'il est accompagné encore de d'autres péchés, il se peut que le plateau de la balance des mauvaises actions soit plus lourd. Et que là, il mérite d'être châtié pendant un temps au feu avant d'en sortir. Puisqu'il a, il n'a pas commis le shirk akbar. Ça, c'est Bilijma. Ensuite, il poursuit en disant: Wa idha kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yakhafuhu ala ashabihi alladhina wahadu Allah wa raghibu ila ma umiru bih wa hajaru wa jahadu wa arafu ma da'ahum ilayhi nabiyyuhum sallallahu alayhi wa sallam. فكيف لا يخافه وما فوقه من لا يدانيهم ومن لا نسبة له إليهم في علم ولا عمل خصوصا إذا عرف أن أكثر الناس اليوم بل كثير من علماء الأمصار لا يعرفون من التوحيد إلا ما أقر به المشركون ولم يعرفوا معنى الإلهية التي نفتها كلمة الإخلاص عن كل ما سوى الله ويقولون من قالها فهو المسلم وإن فعل ما فعل. Donc c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il craignait pour ses compagnons qui ont adoré Allah seul, qui ont réalisé le tawhid qui se sont empressés d'obéir à Allah Jalla wa Ala, qui ont émigré, qui ont délaissé leurs biens, émigré, et qui ont combattu dans le sentier d'Allah, et qui ont appris leur religion et la science du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ces gens-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc comme ça vient dans la aqidah d'Al-Sunnah wal-Jama'a, que les compagnons sont les meilleurs des hommes après les messagers et les prophètes. Donc les meilleurs des hommes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait peur pour eux concernant le shirk al-asghar, c'est-à-dire tout ce qui, le shirk al-asghar, ou tout ce qui concerne l'ostentation, ou tout ce qui va concerner la niyya. Tout ce qui va concerner donc les intentions dans les actes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait peur qu'il tombe dans ce shirk-là. Donc, qu'en est-il de quelqu'un? Qu'en est-il de quelqu'un qui n'a pas leur valeur? Qui ne s'approche pas ou qui n'a même aucun rapport avec ce que eux, ils ont été dans la foi, dans la connaissance et dans les actes. Un instant. Donc, qu'en est-il de gens qui sont loin d'avoir leur foi, leur connaissance et qui n'ont pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme enseignant? Et donc, qui ne les approchent pas et même qui n'ont aucun rapport avec eux. Que ce soit concernant la science ou les actes. Ceux-là sont plus à même d'avoir peur de ce shirk-là, mais même, comme il le dit, d'un shirk plus grand, c'est-à-dire du shirk al-akbar. À la base, la peur du shirk al-akbar, comme c'est évoqué au début du chapitre. Il dit surtout, au vu de l'état des gens aujourd'hui, qui ne connaissent du tawhid que ce que connaissaient du tawhid les premiers mushrikines. Les mushrikines de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui attestaient du tawhid furububiyya, qui disaient qu'Allah jalla wa ala est le créateur et celui qui subvient aux besoins, qui est celui qui fait vivre, qui fait mourir, la croyance de Quraysh. Mais qui prenait en dehors d'Allah Jalla wa Ala des associés en les adorant pour qu'ils les rapprochent d'Allah, pour qu'ils intercèdent pour eux auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, sachant, au vu de l'état des gens, et en sachant que la majorité des gens aujourd'hui ne connaissent du tawhid que cela, il dit que même les savants d'entre eux ne connaissent du tawhid que cela. Et n'ont connu et ne connaissent pas le sens de l'ilahiyya, c'est-à-dire de l'ibada, connaissent pas le sens de l'adoration. Ils connaissent pas le sens de l'ikhlas. Ils ne savent pas que la ilaha illallah, donc kalimat al-ikhlas, ça rejette toute divinité et toute adoration en dehors de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans aucun associé. Et c'est des gens qui disent, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup aujourd'hui, celui qui prononce cette parole-là, la ilaha illallah, ou les deux shahada, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, c'est quelqu'un qui est musulman. Et le simple fait de prononcer cette shahada, ça va le sauver. Quoi qu'il fasse, même s'il commet des annulants, même s'il la prononce sans connaître son sens et sans le mettre en pratique, même s'il la prononce en commettant des annulants, ça ne fait rien. Il est musulman, il a prononcé cette shahada, comme c'est bien connu aujourd'hui dans la croyance de la majorité des gens. Et comme on va le voir, inshallah, dans le livre, qu'évidemment c'est une croyance qui est batil, et que de nombreuses preuves montrent que le simple fait de prononcer la shahada ne suffit pas à la personne et ne profite pas à la personne si sans qu'elle en connaisse le sens, qu'elle le mette en pratique et qu'elle évite de commettre ce qui va l'annuler, ce qui va annuler cette attestation-là. Et en premier lieu, ce qui l'annule, le shirk. Donc ces gens qui croient que le tawhid, le sens de la ilaha illallah, c'est le khaliq illallah, seul, nul ne crée, nul ne pourvoit aux besoins. Nul ne dirige l'univers en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le tawhid chez eux. C'est que c'est le tawhid chez al-mutakallimin. Donc, les gens qui disent que le sens de la ilaha illallah, c'est le qadir ala l'ikhtira' illallah. Seul Allah, jalla wa ala, est capable de créer. Ça, c'était le tawhid de qui? Le tawhid d'Abu Jahl, d'Abu Lahab. C'était leur tawhid, c'était ça. C'est Allah, jalla wa ala, il crée. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, wa in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal-ard liyaquluna Allah. Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils vont dire oh, certainement Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui a créé. Et avec ça, Allah jalla wa ala, il les a excommuniés, les a kaffar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a combattus. Donc on sait que le sens de la ilaha illallah, c'est pas ça. Que le sens de l'ilah, c'est pas le khaliq. Mais c'est Al-Ma'boud. Seul Allah Jalla wa Ala mérite l'adoration. Et tout ce qui est en dehors de lui ne la mérite pas et on doit rejeter son adoration. Le sens de Al-Kufr bit-Tarut. Le sens de Al-Kufr bit-Tarut. Et on trouve aujourd'hui que certaines personnes qui sont, selon leurs prétentions, spécialistes dans le tafsir, dans le hadith, dans le fiqh et l'akhiri, ne connaissent pas plus de la ilaha, ne connaissent pas la ilaha illallah, et même en connaissent moins que les premiers mushrikines. Puisque les premiers mushrikines ont refusé de la prononcer, puisqu'ils connaissaient très bien son sens. Comme Allah Jalla wa Ala dit, wa idha qila lahum la ilaha illallah yastakbirun, wa yaquluna a inna la tariku alihatina li sha'irim majnun. Ils ont bien compris que le fait de dire cette shahada-là, c'est rejeter leur religion, rejeter la religion de leurs ancêtres et rejeter toute les autres divinités adorées en dehors d'Allah Jalla wa Ala, Lat wa al-Uzza wa Hubal wa Manat ila akhiri. Al-Shir poursuit en disant Fayan Bari lil insani an yahdara kull al-hadar wa yakhaf an yaqa fi al-akbar. إذا كان الأصغر مخوفا على الصالحين وهو وجه إراده له مع أن ترجمة تشمل النوعين وقد أخبر صلوات الله وسلامه عليه عن أمته بوقوع شرك وقد عمت به البلوى في أكثر الأقطار حتى اتخذوه دينا مع ظهور البراهين في النهي عن والتخويف منه وفيه أن الرياء من الشرك وأنه من الأصغر وأنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين. Et donc il convient à la personne de se méfier du shirk et d'en avoir peur et d'avoir peur de tomber dans l'akbar, dans le grand shirk. Parce qu'à partir du moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu peur pour ses compagnons, avec leur science, avec leurs actes, avec leur djihad, il avait peur pour eux de l'asghar, celui qui n'est pas à leur niveau, il doit avoir peur pour lui de l'akbar, du grand shirk. Il dit, et ça, c'est la raison pour laquelle le shirk, rahmatullah alayhi, il a cité ce hadith-là dans ce chapitre-là. Ou alors, on peut aussi dire, comme il le dit, que le shirk, quand il dit « bab al-khawf min al-shirk », il vise dans le shirk les deux shirk. « Al-khawf min al-shirk al-akbar » ou « Al-khawf min al-shirk al-asghar ». La peur des deux shirk, et à ce moment-là, on comprend pourquoi le shirk cite ce hadith-là. Ou alors, si ce que le shirk il a voulu, c'est « Al-khawf min al-shirk yani min al-shirk al-akbar », alors, comment on peut comprendre que le shirk il est cité, ce hadith-là, qui parle du shirk al-asghar, comme c'est clairement dit dans le hadith. Ce qu'on appelle wajh al-istidlal, c'est que le shirk il a voulu montrer qu'à partir du moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait peur pour ses pieux compagnons, et ceci, malgré leur niveau dans la foi et dans les actes, il avait peur du petit shirk pour eux, quelqu'un qui n'est pas à leur niveau, on en retient ou on en tire comme leçon que quelqu'un qui n'est pas à leur niveau, il doit avoir peur pour lui-même de l'akbar, du grand shirk. On peut comprendre la chose de deux manières. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on le verra inshallah ta'ala dans le livre, il a annoncé qu'une partie de sa communauté allait tomber dans le shirk al-akbar. Et d'ores et déjà, et depuis longtemps, la communauté est touchée ou a été touchée par le shirk al-akbar. C'est-à-dire partout, dans tous les pays, que ce soit les pays musulmans ou les autres, la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'on appelle ummat, Al-Ijaba, pas Ummat al-Da'wa, Ummat al-Ijaba, c'est-à-dire c'est les gens qui ont à la base, qui ont répondu et qui ont cru en l'islam, au tawhid et au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une partie d'eux, est tombée et donc dans le shirk al-akbar, et donc a apostasié. Jusqu'à qu'ils prennent comme les premiers mouchriquins, jusqu'à qu'ils prennent ça, c'est-à-dire le shirk, comme religion. C'est-à-dire que c'est des gens qui cherchent à se rapprocher d'Allah Jalla wa'ala par le shirk, en faisant du shirk, sans qu'ils le sachent évidemment, et sans que ça soit une excuse pour eux, comme ça a été le cas pour les mouchriquins de Quraysh et d'autres. Ma na'abuduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa, où ils ont dit ha'ulai shufa'auna 'inda Allah. Donc taqarrub wa ils ont recherché à se rapprocher d'Allah Jalla wa Ala et à rechercher le baraka de leurs idoles, de leurs tawarites, comme c'est le cas aujourd'hui. Comme c'est le cas aussi d'ailleurs concernant la démocratie, les gens qui veulent, selon leurs prétentions, qui veulent établir l'islam, la charia, en passant par la démocratie. C'est exactement la même chose. Et ils ont pris la démocratie comme dîn. Comme certains murtadins disent, certains qui disent ça parmi eux. On s'accroche à la démocratie et nous combattons dans son sentier. Allah Ta'ala yaqul alladhina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladhina kafaru yuqatiluna fi sabil at-taghut. Et il dit le shirk que malgré les preuves claires sur l'interdiction du shirk et sur le fait que le shirk contredit l'islam, même contredit la base de l'islam, et ils ont commis le shirk. Et on tire aussi que de ce hadith-là, donc, hadith de Moussad al-Imam Ahmed, akhwafu ma khafu alaykum, que Ria, l'ostentation, c'est une sorte de shirk. Et selon la manière et comment l'ostentation se mêle à la parole ou à l'acte, il est soit du shirk asghar ou du shirk al-akbar. Mais comme on l'a dit, ce qui touche le musulman, c'est le shirk asghar. C'est quelqu'un qui va embellir sa salat, qui va embellir sa récitation, qui va embellir d'une manière globale son acte d'adoration parce qu'il sait que quelqu'un le regarde pour chercher souvent à être complimenté, à être loué, etc. C'est ça qui touche le musulman. Et c'est de ça dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait le plus peur pour ses compagnons. Et il y a beaucoup de paroles chez les salafs qui montrent que combattre l'ostentation, c'est quelque chose qui est, c'est un long combat et un combat difficile à gagner. Parce que le nefs à la base, l'âme, le nefs aime être complimenté, aime être loué. Tout le monde aime qu'on dise de lui, il est savant, il est adorateur, il est ceci, il est cela. Le nefs, il aime ça. Donc, il va toujours chercher après ça. Et donc, c'est à la personne de combattre son propre nefs et de toujours purifier et de renouveler son intention. Et toujours de purifier son intention et de ne viser par son acte ou par sa parole que la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le shir il cite un hadith de Abdullah ou Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Dans hadith il est dans Sahih al-Bukhari. Il dit wa an ibn Mas'ud radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار رواه البخاري. Donc حديث de عبد الله بن مسعود رضي الله عنه Prophète صلى الله عليه وسلم il a dit celui qui meurt en invoquant une autre divinité en dehors d'Allah, il rentre au feu. Et bon, ici, il ne l'a pas cité, mais dans le hadith de Abdullah, Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, Abdullah, il a rajouté une parole après, il a dit, wa qultu ana, donc c'est dans Sahih al-Bukhari, wa qultu ana, man mata wa huwa la yad'u lillahi niddan, dakhala al-jannah. Donc le hadith de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu an man mata wa huwa yad'u lillahi niddan, cette phrase là wa huwa yad'u lillahi niddan, elle est hal, c'est-à-dire le waw il s'appelle waw halia, c'est-à-dire que cette phrase là wa huwa yad'u lillahi niddan. Et donc, c'est quelqu'un qui invoque un autre. Ici, yad'u, comme on le verra dans la suite du livre, et on en a déjà parlé, quand on parle de dua ou de da'wa, ça se divise en deux catégories. ce qu'on appelle du'a ou da'wat ou du'a al-mas'ala ou du'a al-ibada. Les ulama divisent du'a en deux sens ou en deux sortes, du'a al-mas'ala ou du'a al-ibada. Du'a al-mas'ala, c'est la du'a, c'est lorsqu'on demande quelque chose de particulier à Allah Azzawajal. Wallah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, donne-moi ceci, donne-moi cela, ou écarte-moi de ceci, écarte-moi de tel mal, ou donne-moi tel bien. Ça, c'est ce qu'on appelle dua al-mas'ala. Et on a l'autre, dua, c'est dua al-ibada. C'est tout autre, c'est toute adoration. Toute adoration, salat, wa zakat, wa siyam, wa al-hajj, wa sadaqa ila akhiri, tout ça, on appelle ça dua al-ibada. Donc, les ulama, même si les ulama, ils disent que, la majorité, ils disent que quand la dua, elle est citée dans le Coran, en général, Ibn Taymiyyah a dit en général, le sens, c'est dua al-mas'ala. C'est-à-dire, c'est le fait de demander quelque chose à Allah Jalla wa Ala. Comme dans le verset où Allah Jalla wa Ala, il dit, وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال ربكم ادعوني et votre Seigneur a dit, alors là il y a des ulama qui disent invoquez-moi, c'est-à-dire demandez-moi des choses. Il y en a qui disent non, le sens c'est adorez-moi. Il y en a qui disent que ça peut avoir les deux sens. Invoquez-moi, demandez-moi quelque chose, je vous exaucerai. Estajib lakum. Il y en a qui disent adorez-moi. Le sens adorez-moi. Ala kulli hal, ici, dans le hadith, man mata wa huwa yad'u lillahi niddan. Donc ce waw, il s'appelle waw haliya. Donc la phrase wa huwa yad'u lillahi niddan wa fi mahalli nasb hal. Cette phrase-là, elle nous indique dans quel état cette personne, elle meurt. C'est quelqu'un qui meurt en étant sur le shirk, en invoquant ou en adorant une autre divinité en dehors d'Allah Jalla wa Ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, dakhala an-nar. Celui-là, il rentre au feu. Et le sens ici, yadkhulu an-nar, yani dukhul, dukhulan abadiya. C'est quelqu'un qui rentre au feu éternellement. C'est le sens du hadith. Et donc, comme on avait dit, le hal, il conditionne le verbe. Ce qu'on appelle le hal en arabe, chez les Nouhat, ils appellent ça hal, ça va conditionner le verbe. C'est-à-dire celui qui meurt en étant dans ces conditions-là, c'est-à-dire en étant dans le shirk, il rentre au feu. C'est pour ça qu'Abdullah ibn Mas'ud et un verbe comme ça, quand il est conditionné, on peut en tirer, ou on peut tirer quelque chose par ce qu'on appelle la compréhension par l'inverse. Les ulama de l'usul, ils appellent ça mafhoum al-mukhalafa. C'est pour ça qu'Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, il dit ensuite, il dit, wa qultu ana, yani Abdullah, il dit, وقلت أنا من مات وهو يدعو لا يدعو لله ندا دخل الجنة. Là, on voit comment les compagnons, radiyallahu anhum, comme on l'avait déjà dit, et c'était d'ailleurs déjà un hadith de Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, on voit comment, de par leur connaissance profonde de la langue arabe, c'est des gens qui avaient déjà qui avaient comme l'usul al-fiqh, même si l'usul al-fiqh comme ilm mustaqil, c'était pas encore un ilm à l'époque des compagnons, évidemment, c'était pas une science à part entière, mais comme on a dit, usul al-fiqh est grandement basé, en grande partie basé sur la langue arabe. Et c'est pour ça que les compagnons, on peut dire que c'était non seulement des grands savants de la langue arabe, mais c'est des grands usulioun aussi, des grands usulioun, des grands savants de usul al-fiqh. À partir du moment où usul al-fiqh s'est basé sur la langue arabe, quelqu'un qui est savant dans la langue arabe, il est savant dans l'usul. Et on voit qu'Abdullah ibn Mas'ud, il a compris, il a dit quelque chose par lui-même en utilisant cette compréhension qu'on appelle la compréhension par l'inverse. Mafhoum al-mukhalafa. Man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhala an-nar. Enfin, lui, il a déduit à partir de ça que man mata wa huwa la yad'u lillahi niddan dakhala al-jannah. Celui qui meurt en invoquant personne, en n'étant pas sur le shirk al-akbar, il rentre au paradis. Et ça répond aux gens qui utilisent, encore une fois, certains ahadiths, qui s'accrochent à certains ahadiths et qui délaissent les autres. Par exemple, celui qui dit ce qui est le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Man kana akhiratu kalimatihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Donc celui dont les derniers mots sont la ilaha illallah, celui dont les derniers mots sont la ilaha illallah, il rentre au paradis. Et ils utilisent ce genre de hadith. Et ils les utilisent, on va dire, de manière générale. Donc, quel que soit l'état de la personne dans lequel elle était, quant à son tawhid, ou si que ce soit une personne qui était sur le tawhid, ou une personne qui était sur le shirk, tant qu'elle meurt en ayant dit la ilaha illallah, elle fait partie des gens du paradis. Or, on répond à ces gens-là que, en rassemblant les hadiths, on comprend le sens de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si on prend ce hadith-là, Man kana akhir kalimatihi, la ilaha illallah, dakhala al-jannah, mais on dit aussi, Man mata wa huwa yad'u lillahi niddan, dakhala al-nar. Celui qui meurt en adorant un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en adorant ou en invoquant une autre divinité en dehors d'Allah jalla wa ala, il rentre au feu. Donc on voit que dukhul al-jannah, le fait de rentrer au paradis, elle est conditionnée par quoi? Par le fait d'avoir délaissé le shirk, d'être pur, d'être exempt de shirk akbar. Non. المحشي يقول وهذا الحديث فيه أيضا التحذير من الشرك والتخويف منه فمن جعل لله ندا في العبادة يدعوه ويسأله ويستغيث به نبيا كان أو غيره دخل النار. هذا الحديث لا يسيل constitue quelque chose qui doit effrayer le musulman et qui doit l'avertir et le mettre en garde contre le shirk. Et le hadith démontre que celui qui meurt sur le shirk, soit en adorant un autre qu'Allah, soit en invoquant un autre qu'Allah Jalla wa Ala, soit en cherchant son secours, qu'il s'agisse d'un prophète ou de quelqu'un d'autre, il rentre au feu. Ici, il a cité فَمَنْ جَعَلَ لِلَّهِ نِدَّنَ فِي الْعِبَادَ يَدْعُو. Il a cité l'invocation. وَيَسْأَلُ. Il lui demande des choses. وَيَسْتَغِيثُ بِي. Et il lui demande le secours. Le shirk qui était développé et qui est développé chez les Quboriyyin, chez les gens qui adorent les tombes. نَبِيًا كَانَ. Que ce soit un prophète ou un autre qu'un prophète. Il rentre au feu. Clair dans le hadith. Donc le simple fait de mourir sur la ilaha illallah, si la personne, elle adore ou elle invoque un autre qu'Allah Jalla wa Ala, on voit bien que ça lui est d'aucune utilité et ça explique encore le sens de la ilaha illallah. Ça explique que cette parole ne profite qu'avec le kufr bit-taghut, qu'avec le délaissement du shirk. Comme dans l'autre parole, où Allah, on va le voir dans le chapitre de l'explication du tawhid et de la shahada de la ilaha illallah, le hadith rapporté dans Sahih Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'bad min dunillah, faqad haruma maluhu wa damu wa hisabuhu ala Allah. Sahih Muslim. Celui qui dit la ilaha illallah, mais en mécroyant, wa kafara, c'est le même mot, wa haliya. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui va nous montrer dans quel état est cette personne-là en disant cette shahada-là, en disant ces mots-là. C'est quelqu'un qu'il l'a dit, mais en mécroyant en ce qui est adoré en dehors d'Allah Jalla. Alors, que celui qui commet le shirk, il ne mécroit pas à ce qui est adoré en dehors d'Allah Jalla. Il n'a pas mécru au Tarot. Première chose qui rentre dans le coffre de Tarot, c'est le fait de délaisser l'adoration d'un autre Allah Jalla. Délaisser l'adoration du Tarot. Donc, ça, c'est pour tout le Murji'a, le Jahmiya d'aujourd'hui, qui disent que le simple fait de prononcer cette Shahada, ça, c'est une vieille Shubha. Le fait de prononcer la Shahada, ça assure à celui qui la prononce une protection, et le fait de mourir musulman et de profiter et de jouir de la récompense d'Allah Jalla wa Ala yawm al-qiyam, alors que c'est quelqu'un qui est mort sur le shirk al-akbar, sans s'en repentir. Or, en rassemblant les textes, on comprend le sens de cette shahada, et que le simple fait de la prononcer sans en connaître le sens, ou en commettant des choses qui vont l'annuler, ça ne profite en rien. À part chez les descendants de Jahm ibn Safwan, ses élèves. قال ابن القيم رحمه الله تعالى والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم وذا القسم ليس بقابل الغفران وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. Donc ça, c'est quelques vers de poème d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans son poème An-Nuniyya, il dit, et le shirk, prends-y garde, le shirk, là, il vise ici, et fa shirkun zahirun, donc le shirk est l'akbar, qui n'est pas pardonné par Allah Jalla wa Ala. Et ensuite, il donne une définition, il dit, et c'est le fait de prendre un égal au tout miséricordieux, que ce soit une pierre ou un homme, en l'invoquant, en espérant de lui, ou en le craignant, en ayant peur de lui, ou en l'aimant comme on aime Ad-Dayyani, c'est Allah Jalla wa'ala, comme on aime Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, il a cité quelques actes d'adoration. Donc c'est le fait de prendre un égal à Allah Jalla wa'ala dans une chose qui est propre à Allah, lui seul, que ce soit dans l'adoration, que ce soit dans la seigneurie, ou dans ses noms et dans ses attributs. Dit wa niddu al mithlu wa shabih. Yuqal fulan niddu fulan wa nadiduhu. Ay mithluhu wa shabihuhu. Wa ittikhadhu an-nidd ala qismayn. An yaj'ala lillahi sharikan fi anwa' al-ibadati aw ba'daha. Fa hadha shirkun akbar. Yani ce qu'on a appelé at-tandid al-mutlaq. والثاني ما كان من نوع الشرك الأصغر مطلق التنديد كقول الرجل ما شاء الله وشئت ولولا الله أنت وكيسير الرياء قال الشيخ وقى بخله لحب المال ببعد الواجب هو شرك أصغر وحبه لما يبغضه الله حتى يقدمها وعلى محبة الله شرك أصغر. Donc ici, un nid, c'est un semblable. Ça a le même sens que le mithl ou le shabih. Ou le kuf aussi. Ou l'am yakul lahu kufwan ahad. Ou le sami. Hal ta'lamu lahu samiya. Ou le nid, ou le mithl, ou le shabih. Tout ça, c'est des mots qui, dont le sens est vraiment très proche. On dit que telle personne, nid de telle personne. Foulen, nid foulen. Quelqu'un, il est semblable à, cette personne-là est semblable à une autre. Wanadidu. Ay mithluhu wa shabihu. Il lui ressemble, il est semblable à l'autre. On appelle ça un nid. Et le fait de prendre un égal à Allah Jalla wa Ala, il y a deux sortes. Il y a la première sorte, c'est le fait de prendre un égal à Allah subhanahu wa ta'ala en lui vouant quelque chose de l'adoration, ou en croyant que celui-ci, ça c'est moi qui le rajoute parce que là il parle de shirk dans l'adoration, Donc le fait de prendre un égal à Allah en lui donnant ou en lui vouant une adoration que seul Allah Jalla wa Ala mérite. Ça, c'est pour le shirk dans l'adoration. Mais quelqu'un qui croit ou qui donne quelque chose qui n'appartient qu'à Allah Jalla wa Ala dans la rububiyya ou dans ses noms et dans ses attributs, c'est la même chose. Là, il parle de l'adoration parce que le shirk dans l'adoration, c'est celui qui est le plus propagé. Et c'était le shirk des mouchrikines depuis le temps des messagers. Bien qu'aujourd'hui, comme l'exemple de la démocratie, on voit que les gens, ils ont pris des semblables, des égaux à Allah Jalla wa Ala dans la législation et dans l'obéissance. Donc ça rentre aussi dans ce sens-là. Ce qu'on appelle at-tandid al-mutlaq. C'est le fait de prendre un associé à Allah Jalla wa Ala d'une manière totale. Donc ça, évidemment, c'est le shirk al-akbar. Et la deuxième catégorie, c'est le fait, c'est ce qui rentre dans le shirk al-asghar. Comme on l'a vu, on avait donné une définition du shirk asghar. Et là, rentre là-dedans certaines choses, plusieurs choses. Là, il donne des exemples. Comme la parole de la personne qui dit Masha'Allahu wa shi'at. On l'avait dit, ça rentre dans shirk al-alfaz. Shirk al-alfaz, c'est-à-dire de le fait de prononcer par la langue des mots. Ces mots-là, en apparence, c'est du shirk. Mais c'est pas lié à une croyance. On s'explique. Le fait que la personne elle dise Masha'Allahu wa shi'at, ça, ce qui s'est passé, ou ce qui va se passer, ça se passe selon la volonté d'Allah Jalla wa Ala et selon ta volonté. Or, ça, c'est shirk al-alfas dans le sens où la personne, elle ne croit pas qu'une chose ou telle chose ou une chose puisse se passer et avec la volonté d'Allah et avec la volonté d'une créature. Tout se passe selon la volonté d'Allah Jalla wa Ala seul. Et ça, tout le monde le sait. Mais simplement dans ses mots, dans sa parole, et souvent ça sort sans que la personne, elle s'en rende compte, ce qu'on appelle sabq al-lisan, il va, dans les mots, donner un égal à Allah Jalla wa Ala. Mais ça reste une sorte de shirk asrar. Ou alors ar-riya, l'ostentation, comme on l'a vu dans le hadith précédent. Innama akhwafu. L'ostentation, le fait de rechercher le regard des gens et d'embellir un acte ou une parole. Ça rentre dans le shirk asghar aussi. Shirk yasir ar-riya, un peu de riya. On ne parle pas de riya al-mahd, comme c'est l'ostentation des munafiqin. Ceux qui montrent l'adoration, ceux qui sont avec les musulmans, qui prient avec eux, qui etc. Mais dans un but, soit de se protéger, comme c'était le cas des munafiqina fil Medina, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou avec d'autres buts, mais qui ne font l'acte ou qui disent la parole que pour montrer aux gens qui sont avec eux ou qui sont parmi les musulmans. Mais ça se produit chez le munafiq. Ça ne se produit pas chez le musulman. Ce qui se produit chez le musulman, c'est yasir ar-riya. Un peu d'ostentation, c'est-à-dire par l'embellissement, encore une fois, d'un acte ou d'une parole. Récitation du Coran ou autre. Wa qala al-shaykh, ya'ani shaykh l'islam taymiyyah. Et il dit aussi, rentre là-dedans, le fait de l'avarice qui va pousser la personne, ou l'amour de l'argent, qui va pousser la personne, par exemple, à ne pas accomplir ses obligations, comme le paiement de la zakat. Par amour pour l'argent, comme on l'avait déjà expliqué, son amour pour l'argent, il va faire devancer son amour pour l'argent sur l'amour de l'obéissance à Allah Jalla wa Ala. Ça qui dit, c'est-à-dire son amour pour une chose qu'Allah Jalla wa Ala, il déteste. C'est-à-dire que il va son amour, ou ce qu'on appelle le hubb nafsi, son amour pour l'argent, il va le faire devancer sur l'obéissance à Allah Jalla wa et là, les ulama ils disent que il y a quelque chose de l'asservissement de cette personne-là pour l'argent. Il a quelque chose de l'uboudiya lil-mal. Et c'est de par ça qui range ça, qui classe ça dans le shirk al-asghar. Où il y a d'autres ulama qui disent, ça rentre dans ce qu'on avait déjà, parlé ça, dans jins-shirk. Jins-shirk, c'est-à-dire dans un genre de shirk ou dans le genre du shirk, mais ça atteint pas le shirk al-akbar. Il y en a certains même qui disent, ça atteint pas le shirk al-asghar. C'est un péché, c'est mahsiya. Et il classe ça dans le shirk. C'est pour ça que les ulama, il y en a certains comme Ibn Taymiyyah ou Ibn al-Qayyim, ils disent que tout péché, ça rentre dans le genre, dans le shirk. Comme toute adoration, toute obéissance, ça rentre dans l'iman, ou ça rentre, c'est classé sous l'iman, toute désobéissance, c'est classé dans le kufr. Ou dans le shirk. Soit dans le shirk al-akbar, soit dans le shirk al-asghar, soit dans ce qu'ils appellent jins et shirk. Et ici, c'est ce qui est voulu. Son amour pour l'argent, il va le faire devancer sur l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. En délaissant, par exemple, ici, comme c'est l'exemple, le fait de payer la zakat. Il préfère faire devancer son amour pour l'argent et ne pas payer la zakat. Donc, il y a quelque chose de l'amour pour un autre qu'Allah, mais qui n'atteint pas le shirk al-akbar. On le verra ça dans le. Il y a un chapitre qui est dédié à ce sujet-là, inshallah ta'ala. Ensuite, le shir, il a cité un hadith rapporté par l'imam Muslim dans son sahih. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. Donc, le hadith il est rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih. Là encore, comme dans le hadith précédent et comme dans les hadiths qu'on a vus dans le deuxième chapitre du livre, là encore, le prophète salawatullahi wa salam alayhi, il dit, on va voir que laqiya ici dans ce hadith-là, laqiya, les ulama, il l'explique par man mat, celui qui rencontre Allah, c'est-à-dire celui qui meurt. Dans quel état? Encore une fois, cette phrase-là, on dit fi mahalli nasb, hal. Cette phrase-là, elle conditionne l'état dans lequel cette personne-là, elle meurt. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui meurt en n'ayant rien associé à Allah Jalla wa ala. Du moins, le shirk, n'ayant pas fait de shirk akbar. Dakhal al-jannah, il rentre au paradis. وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارِ. Et celui qui meurt en étant dans un état où il a commis le shirk al-akbar, il rentre au feu. Donc là encore, tous ces hadiths-là expliquent le sens de la ilaha illallah et expliquent ce qui va profiter à la personne le jour du jugement. Explique que le simple fait de prononcer cette shahada, ça ne suffit pas, mais qu'il faut s'être désavoué du shirk. La yushriku bihi shay'an. Ça conditionne l'état dans lequel cette personne-là, elle meurt. Quelqu'un qui est mort en n'ayant pas associé à Allah Jalla wa ala. Donc les hadiths, on va dire que sur lesquels se basent les gens de la bid'a ou les gens du shirk, et qui sont généraux, celui dont la dernière parole est « La ilaha illallah », il rentre au paradis comme ça, « mutlaqan ». Quel que soit l'état dans lequel il était, c'est faux. Ces hadiths-là, ils sont conditionnés par d'autres hadiths. Et ces hadiths qui sont conditionnés, ils viennent où? De le Bukhari et le Muslim. La majorité sont dans les Sahihin, dans les deux Sahih. Donc c'est comme ça que Al-Sunnah wa Al-Jama'a comprennent les textes de la révélation. Que ce soit le Coran ou la Sunnah, il convient de rassembler les textes et de donner à chaque texte son droit. Et le maslak al-bid'a, que ce soit tous les gens de la bid'a, qu'on regarde d'un côté ou de l'autre, le Khawarij ou le Murji'a ou le Mu'tazila, tous, c'est des gens, on le voit, qui s'accrochent à certains textes qui souvent sont équivoques et qui délaissent les textes d'autres textes, qui conditionnent ces textes-là ou des textes qui sont muhkam et ils basent leur istidlal sur ce qui va arranger leur hawa. En général, c'est des gens qui ont qui mettent en place, qui ont une croyance et qui vont essayer de plier, de tordre les textes ou d'en rejeter certains quand ça ne les arrange pas, comme on l'avait vu pour le Khawarij, le Mu'tazila, qui rejette tous les textes où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé de Shafa'a pour les gens de l'Kaba'ir. On a vu que le Khawarij ou le Mu'tazila, ils rejettent ces textes-là. Ils disent non, ces hadiths-là, ils ne sont pas sahih parce que ça contredit leur croyance. Donc, c'est des gens qui établissent une croyance et qui, après, vont plier les textes, tordre les textes, interpréter les textes ou en rejeter certains quand ils peuvent, quand ce n'est pas le Coran, et pour adapter le wahi à leur hawa. Or, le musulman, il fait l'inverse. Il regarde les textes et il croit ce que les textes indiquent. Et encore une fois, tout ce qui est mutashabih, tout ce qui est équivoque, il le renvoie et il le comprend conformément à ce qu'indiquent quoi les versets qui sont muhkam, qui sont clairs, sans équivoque. Donc là, Al-Shir, il dit concernant Jabir, radiallahu anhuma, c'est un compagnon, son père aussi, il dit Ibn Abdillah, Ibn Amr, Ibn Haram, Al-Salami, Al-Ansari, Sahabi Jalil. أحد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم وعنه جماعة مناقبه مشهورة ولأبيه مناقب مشهورة مات بالمدينة سنة 74 74 وسنة 74 سنة 40 وسبعين وله 94 سنة وله 94 سنة واربعون وتسعون سنة donc il est mort à l'âge de 94 ans. C'est un compagnon aussi, subhanallah, qui a vécu très longtemps. Et il fait partie, donc, comme il l'a dit, lui et son père, c'est des grands compagnons qui ont beaucoup de mérite. Et il fait partie des al-mukthirin, c'est-à-dire ceux qui ont rapporté beaucoup de hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc dit Ayman man mata wa lam yattakhidh ma'a Allah sharikan fil ilahiyya wa la fil khalq wa la fil ibada dakhala al janna. Donc celui qui meurt en n'ayant rien associé à Allah jalla wa ala dans l'adoration, et là il rajoute wa la fil khalq, ni dans l'adoration, ni dans la création, on pourrait dire, ni dans la seigneurie. Et on pourra rajouter ni dans le hukum. Il n'a pas pris comme juge sha'b, le peuple, comme la démocratie le fait. La démocratie, hukum sha'b, li sha'b bi sha'b, comme ils disent. Le hukum pour le peuple, par le peuple. Le hukum du peuple, pour le peuple, par le peuple. Ça, c'est la démocratie. Allah Jalla wa ala yadin il hukmu illa lillah wa la yushriku fi hukmihi ahadan ala lahu l'hakmu l'amru ala lahu l'khalq wal amr ma lahum shuraka shara'u lahum min ad-din man lam ya'zan bihi Allah. Tous ces hadiths là qui montrent, tous ces ayats là clairs, muhkamat, qui montrent que le hukm, la législation, que le tahrim wa tahrim wa tahlil, tout ça, ça appartient à Allah Jalla wa Ala, et c'est lui qui se met lui-même ou qui met un autre à l'égal d'Allah Jalla wa Ala en lui donnant le droit à légiférer, ou qui s'octroie à soi-même, à lui-même, le droit de légiférer, de rendre halal et haram, celui-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a appelé sharik. Amlahum shuraka. Il l'a appelé taghut. Yuriduna an yatahakamu ila taghut. Al-ulama, taghut fil ayah hadhi, taghut huna, c'est kullu hukmin, siwa hukm Allahi wa rasuli, fa huwa taghut. Donc celui qui fait ça, il rentre dans cette catégorie. Il rentre dans celui qui est mort et en ayant associé à Allah Jalla wa Ala. La fil khalq, ni dans l'adoration. Il rentre au paradis. Donc celui qui est mort en étant exempt pur du grand shirk. Dit fa fi fadilat as-salamati min, c'est-à-dire dans ce hadith-là, on a le mérite d'être mort sans avoir commis le grand shirk. Dans le hadith d'Abu Dhar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: Atani Jabra'il. فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. Il dit que Jibril m'est venu et m'a annoncé que celui qui meurt parmi les gens de ta communauté, celui qui meurt en ayant rien associé à Allah Jalla wa Ala, il rentre au paradis. Encore un hadith de plus qui conditionne cette shahada. Et là, Abu Dhar, il s'est étonné, il a dit: wa in zana wa in saraq. Même s'il commet l'adultère et qu'il vole, qala sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: wa in zana wa in sarq. Et Abu Dhar, il a répété 3 fois de suite: vraiment, même s'il commet l'adultère et qu'il vole, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, la quatrième fois, il a dit: et même si ça ne plaît pas, le sens, même si ça ne plaît pas à Abu Dhar. Même si Abu Dhar, il n'est pas satisfait par ce jugement-là, c'est le jugement d'Allah Jalla wa Ala. Et là, on voit aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a classifié les péchés en 2 sortes. Les péchés qu'Allah Jalla wa Ala ne pardonne pas, sous aucune condition, le kufr al-akbar, le shirk al-akbar, et les autres péchés. Même s'il a commis la fornication et qu'il a volé, s'il est mort en étant muwahhid, en ayant évité le shirk al-akbar, ou s'il l'a commis en s'étant repenti du shirk al-akbar, il rentre au paradis. Inna Allah li yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, comme on l'a vu dans le premier verset du chapitre. Donc les versets, les péchés, il y a bien 2 sortes. Une sorte qu'Allah Jalla wa Ala ne pardonne pas, mutlaqan, et une sorte qui est sous la volonté d'Allah Jalla wa Ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il peut pardonner par sa grande miséricorde. Ar-Rahman. والغفور الرحيم التواب. والدخول من مات غير مشرك الجنة مقطوع به. Comme on l'a déjà dit, le fait que celui qui n'est pas commis de shirk al-akbar rentre au paradis, ça c'est quelque chose qui est unanime et sur lequel il n'y a aucun khilaf. Dit lakin illam yakunu sahiba kabira mata musirran alayha dakhalaha awwala illa fahuwa tahta al-mashi'a fa in 'afa 'an dakhalaha awwalan wa illa 'udhib thumma khurij wa kharaja min an-nar wa udkhila al-janna. Ça aussi, comme on l'a déjà vu, c'est quelqu'un qui meurt mouahid, qui n'a pas commis de shirk al-akbar, ou qui est mort en s'en repentant, c'est-à-dire du shirk al-akbar, sa demeure éternelle, elle est au paradis. Mais selon les péchés qu'il a commis, il peut être châtié avant d'y entrer, comme on l'a vu déjà plusieurs fois. Comme ça, c'est la croyance de sunna wal-jama'a. Et ensuite, ici, ce qu'on appelle le shahid du hadith, la partie qui correspond au chapitre ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. Là, pareil. ومن لقيه c'est ومن مات وهو يشرك به شيئا en ayant associé à Allah جل وعلا un autre que lui dans une chose que seul Allah mérite ou qui n'appartient qu'à Allah جل وعلا, il rentre au feu. Là aussi, يشرك به شيئا, cette phrase elle est hal, elle conditionne où elle montre l'état dans lequel est cette personne-là qui meurt et qui rencontre Allah Jalla wa Ala, c'est-à-dire elle est dans un état de shirk, akbar. Celui-là, il rentre au feu. Et ça aussi, ça explique le sens de la ilaha illallah et ça explique qu'est-ce qui profite vraiment à la personne. Est-ce que c'est le simple fait de la prononcer ou est-ce que c'est le fait de la prononcer et de réaliser ce que cette shahada, elle signifie. Et d'éviter ce qui va annuler cette shahada parmi les annulants de l'islam et en premier lieu quoi le shirk. Donc il dit فإذا كان التغليظ في النهي عن الشرك بهذه الشدة فينبغي شدة الخوف منه وقوله شيئا نكرا تعم قليل الشرك وكثيرا. أما الأكبر فالعمل مع البتة ويجب الخلود في النار ولا فرق بين الكافر عنادا وغيره ولا بين من انتسب إلى ملة الإسلام أو خالفها ومن المعلوم بالضرورة من الدين المجمع عليه عند أهل السنة أن من مات على شرك لا يدخل الجنة ولا يناله من الله رحمة ويخلد في النار أبد الآباد وأن من مات لا يشرك بالله شيئا يدخل الجنة ويدخل الجنة وإن جرت عليه قبل ذلك أنواع من العذاب والمحن. أما الشرك الأصغر كيسير الرياء وقول الرجل ما شاء الله وشئت وما لي إلا الله وأنت ونحو ذلك فيطلق عليه الشرك. Non, c'est une mesure de l'offre. Donc, le shir, il dit, rahimahullah, si ceci est la réalité du shirk, et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a insisté sur la gravité du shirk, comme il l'a fait dans ce hadith-là et dans le hadith précédent, il convient que la personne ait peur du shirk. Ou il convient que la personne ait, que le shirk soit la chose dont il a le plus peur. Et encore une fois ici, on revient sur ce qu'il avait dit précédemment. Yushiriku bi shay'an. Il dit que Shay'an ici, donc ça on avait déjà répondu, que Shay'an ici, Nakira, c'est un mot indéfini dans un contexte de condition ici. وَمَنْ لَقِيَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. Et donc ça a le sens de la globalité. Mais ici, Shay'an, ce qu'on comprend de Shay'an, c'est quel que soit celui qu'on a pris comme égal avec Allah Jalla wa Ala en lui vouant une adoration ou en lui donnant quelque chose qui n'appartient qu'à Allah Jalla wa Ala dans sa seigneurie comme le hukm ou comme on l'a dit comme le hukm, comme le jugement ou la législation, quel que soit ce qu'on ait pris comme divinité, le hukm est le même. Qu'on prenne comme divinité en dehors d'Allah Jalla wa Ala une pierre, un arbre, une tombe, un homme, une loi forgée, le hukm est le même. Mais donc, on comprend de Shay'an ici, c'est la globalité concernant celui qui est adoré. La globalité concernant le shirk, c'est-à-dire le shirk al-akbar, qui soit fait en petite quantité ou en grande quantité, de fréquemment ou peu, le hukm est le même aussi. Du moins, le hukm est le même concernant le statut de la personne, elle devient kafir. Après, celui qui commet beaucoup de shirk, évidemment, mérite un châtiment dans l'enfer, et son degré dans l'enfer est plus bas que celui qui en commet qu'un peu, et qui meurt mécréant, shirk el-akbar, sa demeure éternelle est le feu, mais chacun est châtié selon ce qu'il a fait. Comme Allah Jalla wa dit, Allah il est juste en châtiant chacun d'entre eux parce qu'il mérite. Et donc, encore une fois, le shirk, contrairement à ce que certains pensent, le simple fait de commettre un acte de shirk ou de dire une parole de shirk ou d'avoir une croyance qui est du shirk el-akbar, ça fait sortir la personne de l'islam. Il n'y a pas besoin que la personne elle réunisse toutes les shirkiyat ou le kofriyat qui existent pour sortir de l'islam. La preuve, c'est la parole d'Allah Jalla wa Ala. Lorsqu'il s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ si tu associes. Or, on sait, on a tous fait un peu de grammaire, لَئِنْ أَشْرَكْتَ, c'est quoi? C'est une phrase verbale, جُمْلَةٌ فِعْلِيَة. On sait que le جُمْلَةُ الْفِعْلِيَة تَدُلُّ عَلَى الْحُدُوثِ عَلَى الْوُقُوعِ. C'est-à-dire que même si le shirk il se produit une seule fois, toutes les œuvres sont annulées. Et on sait que quand toutes les œuvres sont annulées, il s'agit de quoi? Du kufr al-akbar. La personne, elle devient murtad, sort de l'islam. Ensuite, on répond aussi par ce verset-là à ceux qui prétendent quoi? À ceux qui prétendent que tous ces versets-là qu'on utilise pour excommunier, pour dire que le mushrik, il n'est pas musulman, qu'il est kafir, souvent les gens qui répondent, ces versets-là ont été révélés pour les kuffars de Quraysh. C'est-à-dire pour des gens qui étaient kafirun asliyun. Ça ne concerne pas les gens qui disent la ilaha illallah et qui s'attribuent à l'islam. Ils sont muslimines. Alors on leur répond par ce verset-là. Allah Jalla wa Ala, il s'adresse à qui? À la meilleure de ses créatures. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ يَا مُحَمَّدْ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَالْأَنْبِيَاءِ لَئِنْ أَشْرَكْتَ أَنْتَ يَا مُحَمَّدْ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. Si tu commets le shirk même qu'une seule fois. Ça, c'est le sens, ça, c'est ce qu'on comprend de la langue arabe. La in asharakta, une phrase verbale qui indique le wuku'a. Si la chose, elle se passe une seule fois, pas besoin que ça se répète 36 fois ou de réunir toutes les sortes de shirk qui existent. La yahbatanna amaluk. Toutes tes œuvres sont annulées. Et ça se produit que dans le kufr al-akbar, ridda, an l'islam. نعم ومن لقياه يشرك به شيئا دخل النار Et il dit aussi quelque chose de très important. Il dit ولا فرق بين الكافر عنادا وغيره. Aucune différence entre celui qui mécroit ou qui commet la grande mécréance ou le grand shirk par inad, c'est-à-dire par orgueil, c'est quelqu'un qui connaît le haq, qui a le haq, et qui va contredire le haq par orgueil, ou quelqu'un qui ne connaît pas le haq, qui ne connaît pas le shirk, qui est ignorant du shirk. Pas aucune différence entre les deux. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas fait de différence. Tous ces versets-là, où Allah subhanahu wa ta'ala, il a jugé des mushrikines qui sont kuffar et qui ne sont pas muslimines, Allah subhanahu wa ta'ala il n'a pas fait de différence entre le mu'anit, entre l'orgueilleux et entre le jahil et entre l'ignorant. Si on reprend ce même verset, Allah jalla wa ala dit la inna sharakta liyahbatanna amaluk liyahbatanna amaluk hada la inna sharakta. Allah Jalla wa Ala, il n'a pas conditionné le shirk al-akbar par l'ignorance ou par l'orgueil pour que le statut de celui qui le commet, c'est-à-dire que ses actes soient annulés et qu'il fasse partie des kuffars, il n'a pas conditionné ça par la science ou par l'ignorance ou par l'orgueil. Et le sujet de l'udhr bil jahl, c'est un long sujet. Même s'il est simple à la base. Puisqu'on rappelle que l'islam, c'est deux choses. C'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala seul et du désaveu de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'indique nombre de versets dans le Coran. Ça, c'est la réalité de l'islam. Donc, pour que l'islam soit réalisé, il faut deux choses, l'adoration d'Allah jalla seul et la mécroyance au tarot. Quelqu'un qui commet le shirk, il n'a pas mécru au tarot. À partir du moment où il n'a pas mécru au tarot, il n'a pas réalisé le sens de cette shahada, le sens de la ilaha illallah, il n'a pas réalisé le tawhid. Donc, à partir du moment-là, il ne peut pas être musulman. Qu'il soit savant, orgueilleux, ignorant, etc. Donc, à la base, ça revient à le sujet de l'udhr bil jahl. À la base, il revient, qu'est-ce que l'islam? C'est quoi l'islam? Et c'est comme ça qu'il faut répondre et qu'il faut, quand on parle avec des gens qui ont cette croyance-là, l'udhr bil jahl, etc., il faut tout de suite revenir avant de rentrer dans les choubouhat, le hadith de Abi Waqd al-Laythi, le hadith de Sidra, de comment ils appellent ça, de Zat Anwat, tous ces hadiths-là, ou dans lesquels il y a des choubouhat qu'ils utilisent, le Jahmiya d'aujourd'hui, pour excuser les mouchrikines par l'ignorance, il faut toujours revenir à c'est quoi l'islam à la base. C'est quoi l'islam? Comment Allah subhanahu wa ta'ala, comment il nous a expliqué l'islam? Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a expliqué l'islam dans sa sunna? Il faut revenir à ça pour montrer que celui qui commet le shirk, il n'a pas réalisé l'islam. L'islam, il n'est pas là. Il n'y a rien. Il n'y a pas la base. Il dit, il y a une autre chose. Il dit, وَلَا فَرْقَ بَيْنَ مَنْ انْتَسَبَ إِلَى مِلَّةِ الْإِسْلَامِ أَوْ خَلَفَهَا. Il n'y a pas de différence entre celui qui s'attribue à l'islam, qui dit je suis musulman, qui dit la ilaha illallah, et quelqu'un qui ne le fait pas, comme le Yahoud ou le Nasrani. Comme le Yahoud ou le Nasrani, comme le juif, le chrétien, ou l'idolâtre, l'athée, ou je ne sais quoi. Il n'y a pas de différence entre lui et entre celui qui s'affilie, qui s'attribue à l'islam, qui dit la ilaha illallah, et qui commet les shirk al-akbar. Parce que le shirk al-akbar, c'est un annulant de l'islam. Quelque chose qui annule l'islam. Qui va annuler la base. Il n'y a plus de base avec le shirk al-akbar. Encore une fois, le tawhid et le shirk, comme les ulama disent, naqidan. C'est deux choses qui s'opposent. S'il y a le shirk, il n'y a pas de tawhid. S'il y a le tawhid, il n'y a pas de shirk. Comme ils disent, la yajtami'an wa la yartafi'an. Ils ne peuvent pas être les deux en même temps. Quelqu'un, il n'est pas mouahid, mouchrik. Pas possible. ومن المعلوم بالضرورة من الدين المجمع عليه عند السنة أن من مات على الشرك لا يدخل الجنة. Ça, c'est aussi quelque chose qu'il a répété plusieurs fois. C'est quelque chose qui est clair et qui est sur laquelle il y a un consensus ijma' chez les gens de la sunna, c'est que celui qui meurt sur le shirk al-akbar, le paradis lui est interdit. La in ashrak, يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. هذا النص نص من القرآن. Et celui qui meurt sur le shirk al-akbar, la miséricorde d'Allah, malgré le fait qu'Allah جل وعلا soit الرحمن et que وسعت رحمته كل شيء, sa miséricorde, elle atteint toute chose dans sa création. Et malgré cela, le mouchrik, lui, il ne profite, en, il n'est pas touché par la grâce et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'al-musta'an. Et il demeure au feu éternellement. Et que celui aussi, ce qui est sur lequel, le sujet sur lequel aussi il y a un consensus, comme on l'a dit, c'est que celui qui meurt sans avoir rien associé à Allah Jalla wa Ala, sa demeure, elle est au paradis. Et même si avant cela, si c'est quelqu'un qui a commis des péchés, qui a persévéré dans le péché sans s'en repentir, il peut, comme on l'a dit maintes et maintes fois, il peut être châtié avant de rentrer au paradis. Il dit, quant au shirk al-asghar, comme on l'a dit, l'ostentation ou le peu d'ostentation, et la parole de l'homme qui dit ce qu'Allah Jalla wa Ala a voulu et toi, ou je n'ai pour moi qu'Allah et toi, ou ce genre de parole-là, il dit ici, وَنَحْوِ ذَلِكَ فَيُطْلَقْ عَلَيْهِ شِرْكِ. كما في حديث من حلف بغير الله تعالى فقد كفر أو أشرك ونحو ذلك، ولكن لا يخرج بذلك من الملة بالكلية وليستحق اسم الكفر على الإطلاق، فهو أخف من الأكبر، وقد يكون أكبر بحسب حال قائله ومقصده. Ici, il dit, qu'on peut appeler le shirk al-asghar, donc les exemples qu'il a cités, que ce soit un peu d'ostentation, ou ce qu'on appelle le shirk al-alfaz, masha'Allah wa sha'at, ou ce genre de mots, on peut appeler ça shirk. On peut dire d'une manière comme ça, c'est du shirk. Même si c'est l'asghar, on peut appeler ça shirk. Comme dans le hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui jure par un autre qu'Allah, il a mécru ou il a associé. Faqad kafar ou ashrak. Bon, comme on l'a dit avant, par contre, le statut, les jugements, les ahkam qui sont attachés au shirk al-asghar sont différents de ceux qui sont attachés au shirk al-akbar. Le shirk al-asghar, ça aussi, bil ijma', au consensus de l'ulama, ça fait de al-sunnah wal-jama'a. Contrairement au khawarij, ça ne fait pas sortir la personne de l'islam. Et ici, il dit quelque chose, il dit, et il ne mérite pas le nom de kafir ou de mushrik. Parce que c'est un shirk ou un kufr qui est plus léger ou moins important que l'akbar. Concernant, mais il dit que le shirk al-asghar, il peut devenir un shirk akbar en fonction de la croyance et en fonction de ce que la personne elle cherche à faire ou à dire. On sait que par exemple quelqu'un qui jure par un autre qu'Allah, mais le fait qu'il jure, c'est pas simplement une parole de la langue, c'est quelqu'un c'est quelque chose qui a accompagné d'une croyance, c'est quelqu'un qui a du ta'zim, qui a la mahabbat al-ta'zim, c'est quelqu'un qui aime par qui il a juré, il l'aime, il le glorifie, et c'est pour ça qu'il a juré par cet autre qu'Allah jalla wa ala. Ça atteint le shirk al-akbar. Ça atteint l'adoration pour un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en fonction de la croyance, ou quelqu'un qui dit Masha'Allahu wa shi'at, par exemple cet événement-là, il s'est passé par la volonté d'Allah et par ta volonté. Celui qui croit vraiment que cette chose-là, elle s'est passée avec la volonté d'Allah, mais qu'il a aussi fallu la volonté d'une créature, avec la volonté d'Allah jalla wa ala, comme le disent certains kuffars parmi les chrétiens, que Isa alayhi salam, il a décidé de certaines choses avec Allah subhanahu wa ta'ala, etc. Ça, c'est évidemment, ça atteint le kufr akbar. Par contre, il y a une remarque sur ce qu'il dit quand il dit que quelqu'un qui commet le shirk, l'asghar, on ne l'appelle pas mushrik, comme ça, mutlaqan. Ou le kufr l'asghar, on ne l'appelle pas kafr. Ça, Allahu alam, dans la sunna, un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé à ses compagnons et il leur a dit: La tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqab ba'd. Ne redevenez pas après moi mécréants en vous combattant. C'est ça le sens du hadith, c'est-à-dire en frappant. En vous frappant les uns les autres les coups, c'est-à-dire en vous combattant. Donc évidemment, ce qui est visé ici dans le hadith, c'est le kufr al-asghar, c'est pas l'akbar, puisque le fait que des muslimines se combattent pour une raison qui n'est pas valable, ça n'atteint pas la grande mécréance. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourtant, il leur a dit « La tarji'u ba'di kuffaran » « Ne redevenez pas kuffar après moi en vous combattant ». Et pourtant, c'est ce qui est voulu, c'est quoi? C'est un kufr asghar. Et il a bien dit kufar. Wallahu alam, Allahu alam, fi nazar. Et si il dit, نعم، واقتصر على نفي شرك لاستدعائه التوحيد بالاقتضاء واستدعائه إثبات الرسالة باللزوم. فالمراد من مات حال كونه مؤمنا بجميع ما يجب الإيمان به إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل، وفيه قرب الجنة والنار والجمع بين قربهما في حديث واحد متقارب في السورة. Et c'est ce qu'on peut remarquer, c'est que dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a parlé que du shirk. Il n'a pas parlé du tawhid. Or, on sait que la ilaha illallah, c'est deux choses. Nafi wa ithbat. Là, ici, il a dit, من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. ومن لقيه من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. C'est-à-dire qu'il rentre au paradis en délaissant le shirk, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit en adorant Allah. Il n'a pas dit en délaissant le shirk et en adorant Allah. Alors ici, il explique ça comment? Il dit que le fait de délaisser le shirk, ça implique ce qu'on appelle dilalat al-iqtida. Dilalat al-iqtida, ça veut dire quoi? Ça ressemble à dilalat al-iltizam. C'est quand le mot qui est cité dans le texte, il indique une autre chose qui elle n'est pas indiquée, mais que cette autre chose qui n'est pas citée dans le texte, on est obligé de la comprendre, sinon ce qui est cité dans le texte, c'est pas valide. En d'autres termes, si on prend notre exemple à nous, le fait de délaisser le shirk, ça vaut rien si c'est pas accompagné du fait d'adorer Allah Jalla wa Ala wahdahu la sharika lahu. Ça aussi que les ulama de l'usul, ils disent, ils utilisent aussi la règle, Allah on l'avait déjà vu aussi, qui dit que al-amr bi shay yastalzim, al-amr bi shay yastalzimu an-nay 'an diddihi. C'est-à-dire le fait d'ordonner quelque chose, ça implique le fait d'interdire ce qui va contredire cette chose-là. Le fait qu'Allah Jalla wa Ala il nous interdise le shirk, ça implique qu'il nous ordonne l'inverse, c'est-à-dire le fait de l'adorer lui seul, sans aucun associé. Et ça, donc ça, c'est concernant le tawhid. Le fait qu'Allah Jalla wa Ala, ou que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dise dans ce hadith-là, que celui qui rencontre Allah Jalla wa Ala en n'ayant pas commis le shirk, ça implique en ayant adoré Allah seul, sans aucun associé. Et ça implique aussi, bidilalat al-iltizam, le fait de s'être, d'avoir accepté et de s'être, d'avoir suivi la sharia du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire d'avoir réalisé la deuxième shahada, Muhammad Rasulullah. Pourquoi? Comme on le verra plus tard dans le livre, inshallah, parmi les conditions de la ilaha illallah, il y a quoi? Al-qaboul. C'est-à-dire le fait d'accepter la législation d'Allah Jalla wa Ala et de s'y soumettre. Or, la législation, elle est venue par qui? L'amr wa nahy. Les ordres, les ordonnances, elles sont venues par qui? Par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par sa législation. Par la législation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, l'al-qaboul, la ilaha illallah, wal-inqiyad. Le fait de se soumettre à l'ordre d'Allah Jalla wa Ala, ça implique forcément le fait de réaliser la deuxième shahada. Il dit que globalement, le sens du hadith, c'est lui qui meurt en étant croyant, en croyant à la totalité de, ou en réalisant tout ce que la foi, ou tout ce qui fait partie des piliers de la foi. Le sens, c'est ça. C'est celui qui meurt en réalisant tout ce qui fait partie des piliers de la foi. Et fait partie des piliers de la foi, quoi? Le fait de réaliser Muhammad Rasulullah. En acceptant toute la législation, toute la sharia. d'une manière globale. C'est-à-dire que le musulman, à la base, il accepte. Il accepte d'obéir à n'importe quel ordre qui provient d'Allah subhanahu wa ta'ala ou de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il accepte cet ordre-là et il s'y soumet de manière globale. C'est-à-dire, il y a plein d'ahkam qu'on ne connaît pas dans plein de sujets. Mais si il nous arrive d'avoir la connaissance de ces ahkams-là, on va les accepter et on va s'y soumettre. Même si on ne le connaît pas. C'est ce qui veut dire bi-ijmalan fil-ijmali. Ça, c'est al-iman al-ijmali. Et tafsilan bi-tafsili, c'est quand il te vient quelque chose, tel hukm, dans tel sujet, venant d'Allah subhanahu wa ta'ala ou de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça, c'est al-tafsil, je l'accepte et je m'y soumets. Mais à la base, al-mu'min, le croyant, il accepte toute la charia, même les choses qu'il ne connaît pas. Et si la connaissance, elle lui parvient, il le met en application ici soumis. Il ne rejette rien. Il ne rejette rien, ni par la parole, ni intérieurement, ni extérieurement. Et s'il délaisse des choses, ou s'il fait, ou s'il commet des péchés, ça c'est par hawa, ou par faiblesse, ou, mais ce n'est pas par. Ce qui va contredire le kaboul, c'est le rejet. Le fait qu'un hukm vienne, qu'un hukm de la charia nous parvienne, et ça, non, ça je le rejette, j'en veux pas. Ça, kufr billahi ta'ala. Un seul hukm, kufr billahi subhanahu wa ta'ala. Et comme al-inqiyad aussi, le fait de se soumettre, c'est le fait, c'est quoi? C'est rejeté par quoi? Par l'istikbar. Le fait de ne pas vouloir se soumettre à un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est de le kufr. Ou le coffre de Shaitan. À la Kulli Halawa, on tire aussi pour terminer avec ça. Il dit la proximité du paradis et de l'enfer. C'est-à-dire qu'entre les deux, il y a quoi? Il y a le shirk, Akbar. Celui qui meurt en étant saint du shirk el-Akbar, il est au paradis. Celui qui commet le shirk el-Akbar, qui s'en repent pas, même par ignorance, comme on l'a dit, même s'il le commet qu'une fois, il est destiné au feu. Et le fait que dans ce hadith-là, le prophète sallam, il a, dans un seul hadith, il a parlé des deux, donc du paradis et de l'enfer, et ce qu'il les sépare. Tawhid. Tawhid Allah subhanahu wa ta'ala. L'adoration d'Allah seul et le désaveu du shirk. Donc on a terminé, inshallah, avec ce chapitre. La prochaine fois, inshallah ta'ala, on continuera avec le cinquième, bab ad-du'a, ou da'wa, ila shahadati an la ilaha illallah. Donc on arrête là, wallahu alam, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.